Bien avant tous les autres, quelqu'un vit le porcher entrer dans le palais. Et ce fut Télémaque au visage de Dieu, qui d'un signe de tête aussitôt l'appela. Mais voici qu'après lui, Ulysse était entré sous les traits d'un vieillard, d'un triste mendiant. Quel sceptre dans sa main, quel haillon sur sa peau. Restant au seuil poli, il s'assit dans la porte au seuil en bois de frêne, en appuyant son dos, au montant de cyprès que l'artisan, jadis, en maître avait poli et dressé au cordeau. Survint un mendiant, le gueux de la commune, qui s'en allait de porte en porte par la ville. Tout Ithaque admirait le gouffre de sa panse, où sans cesse tombaient mangeailles et boissons. Sans force ni vigueur, mais de très grande taille et de belle apparence, il s'appelait Arnée. Sa vénérable mère, au jour de sa naissance, l'avait ainsi nommé. Mais tous les jeunes gens le surnommaient Iros. Il était leur Iris, porteur de tout message. Il entra et voulut chasser de sa maison Ulysse, en l'insultant avec ces mots ailés. « Vieillard, quitte le seuil, où je vais par le pied t'en tirer au plus vite. Regarde-les donc tous, de l'œil, ils me font signe de te mettre dehors. Mais moi, j'aurais trop honte. Allons, vite, debout, qu'entre nous, la dispute n'aille pas jusqu'aux mains. » Ulysse la visait, le toisa et lui dit, « Malheureux, contre toi qu'ai-je dit, qu'ai-je fait? Ai-je empêché quelqu'un de te donner à toi tout ce qu'il voudra prendre? Sur le seuil, on tient deux. Ne fais pas le jaloux. Ce n'est pas toi qui payes. Tu me sembles un frère en l'art de gueuserie. Que les dieux entre nous répartissent la chance. Mais, bas les mains. Tu sais, ne me provoque pas. Ou gare à ma colère. Tout vieux que tu me vois, je te mettrai en sang les côtes et les lèvres. Et j'aurai pour demain la paix, la grande paix. Car jamais, j'en suis sûr, tu ne reviendrais plus en ce manoir d'Ulysse, chez ce fils de Laerte. » Ils se mirent en garde, et le divin Ulysse, le héros d'endurance, un instant hésita. Allait-il l'assommer, l'étendre mort du coup, ou le poussant plus doucement, le jeter bas? Tout compte fait, il vit encore son avantage à frapper doucement, pour ne pas se trahir aux yeux des Achéens. Les bras se détendirent. Ulysse fut à terre en pleine épaule droite. Mais son poing se logea dans le cou, sous l'oreille. On entendit craquer les os dans le gosier. De la bouche d'Iros, un flot rouge jaillit. En mugissant, il s'effondra dans la poussière, grinçant des dents, tapant la terre des talons. Et les deux bras au ciel, ils se mouraient de rire, les nobles prétendants. Puis Ulysse le prit par un pied, le traîna hors du seuil, dans la cour, jusqu'aux premières portes. Au-delà de l'entrée, il l'assit, appuyé contre le mur d'enceinte, son bâton dans les bras, et lui dit, élevant la voix, ses mots ailés, « Reste ici, désormais. Écarte de l'entrée les pourceaux et les chiens. Mais ne régente plus les hôtes et les pauvres, sinon, malheur plus grand pourrait bien s'ajouter à tes maux d'aujourd'hui. »